chance de... Bon réveil avec France Culture, merci d'être fidèle à Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Dans un instant, on retrouve Edgar Morin pour la série consacrée aux stars à l'occasion de la réédition de son livre de référence, Les fantômes du cinéma, 4e épisode, c'est dans un instant. Et puis en deuxième partie, Festival de Cannes avec une surprise dans la sélection des films choisis par l'ACID, l'association du cinéma indépendant. Et c'est Anna Roussillon qui sera mon invitée pour parler d'un très beau documentaire qu'elle a réalisé en Égypte et qui a pour titre « Je suis le peuple ». Il y a aussi un petit personnage dont on parle beaucoup en ce moment. Catherine Deneuve, en apparence, les choses sont très faciles pour vous. Vous êtes jeune, vous êtes jolie. Vous avez déjà fait vos preuves dans la comédie. Par ce marché, vous avez un homme qui est un de nos meilleurs metteurs en scène et qui semble décidé à vous aider au maximum. Est-ce que vous pensez que les choses sont finalement tellement faciles pour vous? Facile pour le métier que je fais, vous voulez dire? Oui. Oui, elles me sont facilitées, c'est vrai. Est-ce que c'est une responsabilité supplémentaire pour vous? Un fond, vous n'avez pas à vous battre. Vous avez déjà un fauteuil avec votre nom dessus. C'est la première fois. Oui. Les fantômes du cinéma par Edgar Morin. Aujourd'hui, 4e épisode. Bonjour Edgar Morin. Bonjour. Les fantômes de l'imaginaire, c'est ainsi que vous parliez des stars du cinéma. Pourquoi le terme de fantôme est arrivé tout de suite pour parler des stars? Mais c'est pas seulement pour parler des stars, c'est pour parler, disons, de ce qui se passe sur l'écran. Vous savez, à l'origine, les fantômes, ce sont des spectres immatériels, mais qui sont les doubles des personnes. Ce sont des copies totales. Et alors, dans le fond, le cinéma a pu ressusciter les doubles des anciennes civilisations, c'est-à-dire des morts qui continuent à vivre, mais évidemment d'une autre façon sur l'écran. Et c'est parce que j'avais fait mon livre auparavant sur la mort, l'homme et la mort, que j'avais été très intéressé par l'existence de ces doubles, et que dans le fond, le cinéma, d'une certaine façon, leur donnait vie, mais non pas une fois qu'on est mort, mais du vivant. D'ailleurs, nous-mêmes, nous rencontrons sans arrêt notre double quand nous regardons dans un miroir, n'est-ce pas, ou quand nous voyons notre ombre, c'est-à-dire que nous sommes poursuivis par notre double. Alors donc, si vous voulez, le mot fantôme, c'était un peu pour se référer à ça. Et puis d'autant plus, bon, je pense au cinéma encore à l'époque noir et blanc, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des taches sombres et lumineuses qui dansent sur un écran et auxquelles nous donnons vie. Parce que non seulement elles prennent forme humaine, évidemment, mais nous leur donnons vie. Nous croyons, c'est-à-dire nous vivons une double conscience. D'un côté, nous savons que nous sommes au cinéma, mais d'un autre côté, nous vivons les passions des personnages, nous pleurons s'ils sont malheureux, nous rions quand ils disent des choses drôles, enfin bref, ils mènent leur propre vie, bien que ce soit une vie qui ne soit pas réelle, qui soit une vie de fantôme. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cinéma, c'est le double de la vie, le double de la réalité, parfois qui est une copie fidèle, comme le documentaire, comme chronique d'un été, et parfois où il y a de l'imaginaire, c'est-à-dire des histoires, des westerns, des criminels, etc. C'est ça le cinéma. Et le rapport qu'entretient le cinéma avec le temps, parce que c'est toute une vie, toute une histoire qui est réduite, compressée dans une durée d'un film, c'est aussi la possibilité de traiter des histoires qui sont advenues des années auparavant, des siècles auparavant. Bien sûr, il y a la tentation historique, notamment avec ce qu'on appelle les péplums, mais il y a aussi des chefs-d'œuvre comme le Mankiewicz, n'est-ce pas, sur Jules César, entre autres, ou bien des films que je trouve très intéressants comme Gladiator, c'est-à-dire qu'effectivement, la magie du cinéma, par les décors, les instruments, permet de reconstituer l'Égypte des pharaons, la guerre de Troie et d'autres épisodes, ou bien la bataille d'Azincourt, comme dans le film de Laurence Olivier. C'est évident. Nos sociétés se disent rationnelles, mais les stars sont des êtres qui participent à la fois de l'humain et du divin, analogue par certains traits aux héros mythologiques ou aux dieux de l'Olympe, suscitant un culte, voire une sorte de religion, disiez-vous en 1957, dans Les Stars, Edgar Morin. Est-ce que, une fois de plus, ce rapport a évolué et comment vous voyez s'il y a évolution, l'évolution de ce rapport aux stars? Vous savez, elles se sont... il s'est passé entre-temps le suicide, vrai ou faux, mais enfin, de Marilyn Monroe. Il y a eu des tentatives de suicide de Martine Carole. Enfin, entre-temps, si vous voulez, on s'est rendu compte que les stars ne vivaient pas seulement une vie de fête, de jeu, d'amour, mais vivaient aussi des tragédies personnelles et des tragédies amoureuses, ou bien de la tragédie du vieillissement et de la perte de l'attrait qu'elles ont. Donc il y a une humanisation des stars, et de plus nous voyons aujourd'hui des actrices qui sont devenues des stars, mais qui sont par ailleurs des aspects très, très humains, comme Juliette Binoche. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui a évolué, mais je pense qu'on est toujours, quand on est dans le cinéma, la mythologie n'est jamais totalement évacuée. Le cinéma est produit quand même sans arrêt des choses qui nous font rêver, à commencer par rêver sur la réalité elle-même. On the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's, Cartier. Alors Edgar Morin, pour vous, la fin de Marilyn Monroe représente aussi la fin d'une certaine fascination pour les stars ou d'un certain rapport qu'on avait avec les stars, pourquoi? Non, je ne dis pas la fin d'une fascination. Ça montre que la tragédie humaine fait irruption dans cet univers qui lui était un univers olympien, qui semblait un univers uniquement de jouissance. Et c'est ça, on sent que... Et d'ailleurs, vous avez toute une série de magazines qui, depuis cette époque, ne font que raconter les malheurs qui arrivent aux stars, les chagrins qu'elles ont, les pertes qu'elles ont, les tromperies, tout ça. Enfin, c'est-à-dire, on se nourrit des stars par des cancans, par des ragots. Ça fait partie de nos nourritures imaginaires quotidiennes. Quand des présidents de la République veulent partager leur vie avec des stars du cinéma ou de la chanson, ça vous parle, Edgar Morin ? Vous pensez que ça fait partie aussi de cette mythologie, de l'importance qu'ont ces personnes, ces stars ? Écoutez, ça fait surtout partie de l'évolution du présidentialisme. C'est parce que vous avez les présidents austères, comme De Gaulle, vous avez des présidents qui, sans être austères, ont au moins une vie privée, voire érotique ou sentimentale, cachée, comme ça a été le cas plus ou moins sur Pompidou et sous Giscard, et puis ça a même été le cas sous Mitterrand jusqu'à la fin. Et alors, après, on a vu apparaître un style de président avec Sarkozy qui effectivement a pu mettre dans sa propre Olympe une star de la chanson. Je ne sais pas si... Ça, c'est des phénomènes récents, peut-être avec l'américanisation du style présidentiel. Et puis, il y a aussi le fait, par exemple, que c'est contre son gré que l'on a dérobé au président Hollande sa liaison secrète avec l'actrice Julie Gayet. À la manière d'une liaison secrète entre Kennedy et Marilyn ? Dont on a parlé pour plus tard, si vous voulez, beaucoup plus tard. Parce que là aussi, la différence, c'est que Kennedy était marié et qu'il entretenait une liaison extra-conjugale, comme c'est de règle. De reste, je viens de lire, je ne sais pas où, que le président Thiers, Adolphe Thiers, il avait 3 femmes. Alors donc, il était polygame. Donc, si vous voulez, le président profite du pouvoir pour avoir aussi un pouvoir érotique et sexuel. Ça, c'est une chose anthropologique. Et donc, de se rapprocher des divinités ? Du moins des femmes très désirables. C'est peut-être qu'il profite aussi de cette divinisation, mais du moins, vous savez, c'est comme dans les sociétés de chimpanzés, le mâle dominant, non seulement il domine pour prendre la nourriture de la meilleure qualité, mais il essaie d'avoir un petit harem polygame. Voilà. Mais ça, c'est ce qui nous rend parents, n'est-ce pas, des autres primates. Merci, Edgar Morin. Merci à vous. One silver dollar, bright silver dollar, changing hands. Changing hands, endlessly rolling, wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spent for a baby's trinket, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's bullet, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, one silver dollar, changing hands, changing hands. Love is a shining dollar, bright as a church bell's chime. Gambled and spent and wasted and lost. in the dust of time. One silver dollar, changing hearts, changing lives. France Culture. Changing hands. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem. Et maintenant, l'invité culturel. Putain, je suis partie la veille de la révolution. Non mais je rêve. Comment c'est possible? Je sais pas comment je vais m'en remettre. الو ايوه اخبارنا عندك في فرنسا ايه كل عيون العالم على ميدان التحرير. Et mon invité aujourd'hui, Anna Roussillon, bonjour. Bonjour. Vous présentez à Cannes, dans le cadre de l'ACID, c'est-à-dire l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, un documentaire qui a pour titre « Je suis le peuple ». En janvier 2011, les Égyptiens descendent en masse, place Tahrir, pour exiger le départ du président Moubarak et de sa clique. Ils veulent plus de liberté, plus de justice. Les yeux du monde sont braqués sur cette place emblématique au cœur du Caire. Les télévisions affluent de partout, mais vous avez quitté le Caire depuis quelques heures, donc vous vous demandez si vous n'avez pas raté un grand moment. Mais pas du tout, puisque l'originalité de votre beau documentaire, Anna Roussillon, est d'être resté dans une campagne égyptienne, pour ne pas dire le pays profond, un village de la vallée de Louxour, pour voir comment les paysans des campagnes du Sud suivent les événements de la place Tahrir via leurs écrans de télévision. Et c'est ainsi qu'on va avoir une chronique de l'Égypte d'aujourd'hui, du renversement de Moubarak à l'élection de Mohamed Morsi, le leader des frères musulmans, puis avec la chute de Mohamed Morsi, et vous avez donc donné la parole à ces Égyptiens. En fait, je travaillais à Louxor en 2009 sur un autre projet de film qui avançait pas du tout, et j'ai rencontré Farraj à ce moment-là. Un des personnages du film. Le personnage principal du film. Et on est devenu amis, j'ai fait plusieurs voyages, et on est devenu amis. Et en fait, en 2011, en janvier, avant le début des événements, j'étais revenu le voir en lui disant que j'aimerais faire un film avec lui au village, sur la façon dont on y habitait, c'était encore un peu flou, tout ça. Je rentre à Paris, et là, effectivement, la révolution me tombe dessus comme elle est tombée sur la tête de tout le monde. Enfin, et donc, je me suis posé la question de, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ce film que j'avais commencé au village, ou est-ce que je vais là où il se passe des choses, c'est-à-dire sur la place Tahrir, etc., puisqu'au village tout était immobile. Et en fait, quand j'y suis retourné pour la première fois après la révolution, donc un mois et demi après la chute de Moubarak, j'ai décidé de rester au village, en fait, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire lui que j'avais rencontré, que je connaissais bien, c'est de son point de vue que j'avais envie de raconter cette histoire, bon, dont je savais pas ce qu'elle allait devenir, du coup j'ai décidé de rester au village, en fait, mais c'est lié à cette rencontre qui est préalable et qui irrigue le film, en fait. Quelles sont vos affinités avec l'Égypte? Parce que vous connaissez très bien la culture égyptienne. C'est quoi votre histoire? Bon, ça c'est effectivement un petit peu souterrain dans le film. Ouais, parce que vous n'apparaissez pas à l'écran, mais voilà, on vous entend. Voilà, on m'entend parler en arabe effectivement avec les personnages du film. Il se trouve que j'ai grandi en Égypte, donc j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence là-bas, que j'ai des origines égyptiennes aussi un tout petit peu. J'ai une grand-mère qui est égyptienne. Bon, enfin, c'est vraiment une sorte de deuxième pays. Pour moi, j'ai appris l'arabe, j'ai fait des études d'arabe, etc. Et donc, j'ai un lien vraiment fort à l'Égypte. Et du coup, j'avais comme un devoir dans ce film, d'essayer de raconter de là où j'étais arrivé, donc dans la campagne, ce qui allait se passer ces dernières années. C'était hyper important pour moi dans mon lien à ce pays, qui est aussi le mien d'une certaine manière et que je connais très bien. Votre film est passionnant parce que généralement on entend les intellectuels arabes égyptiens parler de la révolution, de la politique, des politiques. Cette fois-ci, c'est vraiment les Égyptiens du peuple, les paysans. Et il y a d'ailleurs une très belle réplique d'une villageoise qui vous dit « Je n'ai pas voté parce que j'ai peur de voter pour quelqu'un qui ne sera pas élu et on va me le reprocher ». Ça, c'était au début de ce processus, mais au fur et à mesure, les gens vont s'impliquer. Il va y avoir aussi des débats entre ces villageois sur la politique, sur comment concilier cette envie de se débarrasser d'un régime militaire, quitte à accepter un régime islamiste. Et cette parole-là, on a l'impression qu'elle représente toute l'Égypte. Est-ce que vous avez fait un casting? Parce que on a tous les personnages qui représentent toutes les idées politiques qui aujourd'hui continuent à faire bousculer ce pays. Non, j'ai pas du tout fait de casting, j'ai juste passé beaucoup de temps au village et du coup il y a des affinités, enfin des amitiés avec différents habitants qui se sont noués, dont ça c'était très important pour moi, qu'il y ait un personnage féminin fort dans le film, dont une voisine de Farage qui s'appelle Batara, qui est un personnage avec une très très forte personnalité qui est très drôle et qu'on retrouve à plusieurs moments dans le film. Mais non, le casting s'est fait au montage. Il s'est fait, oui, bah toujours il se fait au montage. Il y a des personnages qui ont disparu un petit peu, mais en tout cas Farage, le personnage principal, qui vient vraiment de cette rencontre, c'est lui qui m'a donné envie de rester dans ce village. Batara, la voisine, c'est pareil, c'est vraiment une rencontre, c'était évident qu'elle serait dans le film. Après, il y a d'autres personnages un peu périphériques, ça se fait au fil des rencontres, des circulations. إنما الحمد لله دلوقتي فيه نسيم الحرية هب خلاص أي رئيس ما يعجبناش ميدان التحرير موجود وكل الميادين اللي في داخل الجمهورية موجود. Vous êtes hors champ, mais on l'a dit, on vous entend, Anna Roussillon, dans le film Je suis le peuple. Et puis à un certain moment, vous devenez vraiment un personnage quand les Égyptiens vous prennent à partie en disant que vous, qui incarnez la démocratie, c'est quoi la démocratie? Et ils donnent leur version de la démocratie telle qu'elle a été appliquée par les démocraties occidentales, c'est-à-dire de bons rapports avec des dictateurs de la région. Est-ce qu'à un certain moment, c'était aussi une remise en cause de votre lecture de la démocratie, de ce qui se passait en Égypte? Une remise en question, non, parce qu'en fait, dans la séquence à laquelle vous faites allusion, je suis d'accord avec lui. En fait, c'est lui qui m'assigne à cette place d'occidental, parce qu'aussi, il est vexé et il est un peu mal à l'aise dans cette situation de crise. C'est le moment de la constitution où Morsi est contesté, etc. Non, je suis d'accord avec lui, en fait. Dans cette séquence qui parle de démocratie, effectivement, et moi je voulais pas du tout me mettre justement dans la situation de l'occidental qui donne des leçons, qui sait et qui donne des leçons. Et justement, c'est intéressant que là, il me renvoie cette image-là, mais il parle à un Occident avec un grand O, pas à moi. Il me fait incarner quelque chose qui me dépasse complètement et que je ne soutiens pas d'ailleurs. Chronique de 2 ans de révolution en Égypte. Je suis le peuple. Anna Roussillon, est-ce que vous avez montré aux villageois de Luxor ce film? Je l'ai montré à la famille de Farraj, qui est très importante dans le film. Et il vient d'être montré aussi en public en Égypte au début du mois de mai. Et les réactions étaient assez enthousiastes. Bon, évidemment, avec beaucoup d'humour et beaucoup de rire et aussi un intérêt vraiment sur des problématiques qui sont le Caire, la campagne, comment les événements ont été vécus de façon très différente selon là où on se trouvait. Les gens étaient vraiment très contents. Il y a eu Montrer ce genre de film, Je suis le peuple, aujourd'hui en Égypte, sous le règne du maréchal Sissi. Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Je pourrais vous dire ça dans pas très longtemps. J'aimerais bien qu'il soit montré en Égypte. Dans votre film, vous montrez comment petit à petit des villageois qui se tenaient à l'écart du politique vont s'impliquer dans le débat politique, vont être emportés par les passions égyptiennes. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont tout aussi attirés par ce qui se passe politiquement au Caire, ou est-ce que c'est un peu l'abattement, chacun a repris son mutisme pour parler plus de paysannerie et de tourisme? C'est complètement l'abattement. J'ai l'impression que vraiment les gens ont été très affectés par la reprise en main du pouvoir par l'armée, hein, ce qui s'est passé avec l'élection de Sisi. Donc vraiment il y a une espèce de, en tout cas au niveau du village et des gens que j'ai rencontrés, de désaffection d'un processus auquel ils ont cru. À un moment, Farage dans le film croit vraiment pour la première fois de sa vie, il le dit, au fait que voter est important, peut faire changer quelque chose, etc. Et là maintenant il est revenu à une espèce de suspension de jugement plus ou moins méfiante quant à tout ce processus qui a certes commencé en 2011, mais qui là a vraiment connu un revirement un peu... Diriez-vous que c'est la parenthèse fermée de... Non, j'aime pas trop ce mot de parenthèse, parce que je pense pas que ce qui s'est passé a été vain et peut être balayé aussi rapidement. Je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose qui a ébranlé très profondément le rapport aux politiques, mais par contre, effectivement, à moyen terme ou de façon plus superficielle, je pense que ça va être difficile dans les prochains temps. Je suis le peuple, très beau documentaire que je vous recommande de voir. Il y aura une projection dimanche 7 juin à 10h30 au Louxor à Paris. Une projection en partenariat avec Rue 89 et d'autres projections sont prévues le 8 juin à Strasbourg. Et à Lyon, votre ville, donc, c'est le 9 juin. Merci d'être venu. C'était Un autre jour est possible, que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. On se retrouve demain en compagnie d'Edgar Morin pour parler des stars. Et en deuxième partie, je recevrai, pour parler de l'actualité de la bande dessinée, le mathématicien Cédric Villani et Edmond Baudouin. Émission réalisée par Somanina, avec aujourd'hui à la technique Léa Le Foll, et préparée par Sarah Lazès et Henri Leblanc. Bonne journée, à demain. Thank you.